Si hier j'ai enfui mon adolescence, hors de mes sens, je n'ai rien oublié. Jusqu'au plus profond de ma conscience et vers la renaissance, je me tournerai. Qui me façonne, toi, moi ou l'autre? Le hasard pour moi, Dieu. Je mène mes pas là où c'est décidé. Oh, oh, oh. Qu'est-ce la nuit, qu'est-ce le jour, un décor à l'instant. L'amour, oh, le vent, la mer. Qu'est-ce la nuit, qu'est-ce le jour. Si je n'ai rien à te répondre, le silence n'est pas un mensonge, il est le seul qui te laisse libre dans ton univers et dans tes rêves. Solitude qui tue, n'y a pas de mystère pour une nuit d'enfer. C'est la certitude d'une toute petite vie pour un cœur si grand, un désespoir si vif. Qu'est-ce la nuit, qu'est-ce le jour, un décor à l'instant. L'amour, oh, le vent, la mer. Qu'est-ce la nuit, qu'est-ce le jour, une date sans âge, une page qui tourne, le vent, la mer. Continuer.